Analyse du 19 février 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. La cécité du paradigme et la programmation prédictive. Un tweet du général Flynn à propos de l'accident chimique en Ohio. Je cite « Ne pensez pas une seconde que lorsque les choses arrivent, ce n'est qu'une énorme coïncidence. » Qu'a dit Oscar Wilde ? La vie imite l'art, bien plus que l'art n'imite la vie. À partir de quand la coïncidence n'est-elle plus possible ? En 2022, Netflix a lancé le film White Noise sur l'accident de train et l'explosion de produits chimiques toxiques dans l'Ohio avec la participation d'habitants de East Palestine comme figurants. Voici ma vision des choses. Tout ce que vous entendez à la télé, à la radio ou lisez, venant de certains pseudo-scientifiques, voire même des scientifiques de renom, de spécialistes en géopolitique de plateau, sont pour la plupart des infos anxiogènes et fausses, créées de toutes pièces pour être l'arbre qui cache la forêt ou le doigt qui montre la lune, dans le but de ces cités collectives basées sur la peur. Par exemple, ce film sur le crash en Ohio. Les signes prédictifs du 11 septembre 2001 dans Retour vers le futur ou encore tous ces messages bizarres avec les Simpsons ne sont que des avertissements envoyés par nos bergers dans le but d'acceptation de futurs événements sous faux drapeau via la programmation prédictive. Ces symposiums sur la manière de se préparer à une future prochaine pandémie sont aussi une manière de nous faire accepter une fausse réalité qui n'a pas lieu de se dérouler, vu qu'ils n'ont pas notre consentement. Notons au passage que les intervenants à ces symposiums sont parfaitement conscients qu'une pandémie qui fait 99,98% de survivants n'en est pas une. Le projet vaccination obligatoire ou encore la criminalisation des lanceurs d'alerte annoncée en France par l'avocat Carlo Brusa font aussi partie de ce scénario de la peur, peut-être même à l'insu de Brusa lui-même. Et les dates annoncées sont toujours dépassées, sans qu'on ne voit jamais se réaliser ce qui nous a fait peur 6 mois avant. À cette heure, remerciez l'Alliance qui gère ces fausses annonces, car avec le nouvel ordre mondial toujours aux commandes, vous auriez droit à l'intégralité du package, passeport numérique et crédit social à la chinoise en sus. L'exemple de la vaccination obligatoire des plus de 50 ans, annoncée au Luxembourg dans les 3 à 6 mois, et cela depuis plus de 2 ans, nous prouve bien que cela n'arrivera pas. Nous sommes en février 2023 et rien ne s'est passé. Mettre à mal votre immunité et vous maintenir constamment dans un état anxiogène est le travail de l'opposition contrôlée qui gère les infos. Mais c'est un combat perdu d'avance. La vérité est comme l'eau. Elle finit toujours par trouver son chemin. Ce n'est qu'une question de temps. À nous de séparer le bon grain de l'ivraie en sachant reconnaître le vrai travail d'éveil de l'Alliance, des actions désespérées des bas niveaux du Deep State international, encore en roue libre à cette heure. Sherpa One.